En Corée, le Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang abritait du 16 au 21 juillet la représentation des membres du cercle artistique de l'Association artistique coréenne des handicapés « J'aime ma patrie ». Y ont assisté les travailleurs de divers paliers, les jeunes étudiants de la capitale. Les acteurs ont chanté de façon émouvante la noble vertu du dirigeant suprême Kim Jong-un, ainsi que leur fierté sans borne de vivre heureux grâce au père affectueux de la nation.